Les propagandistes du parti ont commencé le pèlerinage aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du district du Mont-Bektou. La cérémonie de départ a eu lieu le 4 juin à la cour d'honneur devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées à la ville de Hesan. Les pèlerins y ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs avant de leur rendre hommage. Au terme de la cérémonie, ils ont fait le tour du monument à la victoire dans la bataille de Botsombo et du musée de la révolution de la province du Liangang.